on, come on, girl, you wanna feed your soul now? Oh yeah, we are ready now. This way. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. And McKay. We are old. We are young. We are in America. And we will win. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. Salut à tous et à toutes, c'est l'émission Mavrica le vendredi soir à partir de 19h actuellement, hein, puisqu'il y a le confinement, donc on va faire une émission rapide. C'est la première fois que je reçois un invité ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel depuis les confinements et tout ça, hein. Donc on va reprendre tranquillement. Aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de le recevoir, c'est une personne que j'ai reçue ici il y a déjà pas mal d'années. Bon, tout à l'heure on en discute un petit peu, ça fait à peu près 8 ans. Et je vais vous le dire tout de suite, hein, qui sait, vous le savez déjà, si vous avez Facebook, vous avez déjà pu voir l'affiche. Il s'agit de mon ami Michael qui est là, qui représente le groupe Avorias, le projet Avorias. Il va nous en parler. Il nous en avait déjà parlé il y a pas mal d'années, mais il avait laissé un petit peu la musique. Il va nous raconter tout ça de toute façon. Hein. Il y a plein de choses encore à dire. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 20h30. On va essayer de faire vite. Je vais essayer de lui donner le plus de paroles possible. Aujourd'hui, ce sont les 11 ans de l'émission Mavrica. Merci à tous ceux qui ont envoyé un petit message. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrica et ça démarre maintenant. I am never searching for the I'm certain. But now we're gonna do 13. Let's see behind the curtain. Sometimes some things go when I'm saying. Sometimes it's needed to. Là, c'est vraiment un phénomène. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en concert, moi je l'ai découvert en concert, je le connaissais pas du tout, je l'ai vu une fois, j'ai dit vraiment ce mec là il est super fort et tout ça, et quelques temps après il m'a contacté, il était question qu'il vienne dans l'émission Mavrika, vous savez, avec tous les événements, et ben ça s'est pas fait, mais bon, peut-être un jour. Mais en attendant, il nous envoie toujours ses morceaux. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle 13 et c'est Jekyll Wood. Et ben on va se tourner maintenant vers l'invité de cette semaine, il s'agit de mon ami Michael. Ça va Michael? Ça va, et toi? Ah ben, ça fait plaisir que tu reviennes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que tu avais fait un petit peu de, tu avais mis un petit peu la musique en stand-by pendant quelques années. Et puis là, j'ai vu dernièrement que tu revenais, tout ça. Et puis il était question justement que je commence à voir pour recevoir des gens dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et je me suis dit pourquoi ne pas le te recevoir, quoi. Okay. Parce qu'on devait faire aussi, tu m'avais proposé un truc par téléphone. Je me suis dit ouais, mais c'est bien le téléphone, mais bon, c'est quand même mieux qu'on se voit en chair et en os, même s'il y a une vitre entre nous, hein. Voilà. Voilà. Alors Michael, qu'est-ce que tu as fait pendant 8 ans? J'ai fait comme la série Prison Break. En fait, j'ai dessiné dans mon dos de quoi sortir de ma cellule, tu vois. Ah ouais, d'accord. Là, pendant 8 ans. Voilà. Donc ça y est, je suis enfin sorti. Ouais, en fait, fallait ça, comme on a pu en parler un petit peu déjà. Je pense qu'il faut des instants de vie pour rendre un peu légitime ce qu'on fait dans nos milieux musicaux. Et voilà, moi j'avais besoin de me sentir ancré, en fait. Voilà, ça partait vraiment très fort, mais voilà, tu sais, la gestion d'un groupe, c'est quelque chose. Donc voilà. C'est compliqué. Et on veut tout gérer, mais finalement, ça se passe jamais comme on veut. C'est ça. Très bien, mais je constate tout à fait. Dès qu'on a besoin de travailler avec d'autres personnes, forcément, il peut y avoir des choses qui vont dans le bon sens, d'autres choses qui vont dans le mauvais sens. Et donc, tu as fait une petite coupure, et là, maintenant, ça y est, tu reviens là. C'est ça. Donc, Avoriaz, toujours le projet. Voilà. Mais bon, il va y avoir du changement. D'accord, bah tu vas nous dire tout ça. On a on a une petite heure, une heure et quart pour justement parler de Avoriaz. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport justement au précédent projet? Bah disons, en fait, c'est à un moment donné, il faut pouvoir assumer on va en discuter, mais si tu veux, moi, quand je pense à moi, je pense à tous les gens que j'ai pu rencontrer. Mais quand je dis les gens, c'est les autres groupes de musique, tu vois. Ouais. Et quand tu vois qu'il y a des trucs qui sont vraiment super bien, là, je voudrais en parler, tu vois, les Garens, par exemple, tu vois. Ouais, les Garens. Ouais. Et voilà, et tu te dis bon, après, il y a la vie de chacun, mais quand tu sens qu'il y a un beau potentiel et tout, après, on se dit bon, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe, parce que ça manque cette vibration, tu vois. Et donc du coup, voilà, moi j'ai eu besoin de faire de l'introspection pour moi, et puis de me dire voilà, si Avoriaz doit continuer, sous quel format pour que je sois ok, tu vois. Donc je me suis dit voilà, dépendre des musiciens, connaissant mon projet, c'est pas simple, voilà. Donc faut en être conscient. Puis après il y a aussi les circonstances, le bassin, tu vois, le bassin des musiciens qui fait que bah c'est pas forcément simple dans le Loiret, enfin pour certains musiciens. Et donc du coup je me suis dit fais tout seul. Voilà. D'accord. Ouais, sois tout seul sur scène et puis à la rigueur laisse la magie opérer, mais que ce soit jamais dépendant voilà par rapport à quelque chose où tu, moi ça me touche tellement que voilà faut vraiment que ce soit une vibration partagée. Et ce soir je voulais vraiment dédier cette émission sur le thème du partage, parce que tu vas rapidement t'en rendre compte, j'ai décidé qu'Avoriaz évoluerait un maximum tout seul. D'accord, avec voilà. Peut-être quelques travail avec d'autres personnes. Bah, après, c'est un méga travail de fond. Oui. Et c'est là qu'on va en discuter. Donc du coup, voilà. Pendant 8 ans, je suis revenu il y a 1 an et demi où j'ai commencé à composer, j'ai commencé à me recentrer. Tu sais, c'est bête, hein, enfin tu vois, l'humain agit sur l'artiste et inversement, et voilà, ce centrage m'a permis de d'être au plus près de ma musique, et puis de me laisser envahir par cette musique. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Pour moi, la musique, elle te parle, tu vois. C'est pas toujours l'artiste qui compose, c'est aussi la musique qui te compose, toi. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et donc du coup, elle m'a parlé, et c'est là que j'ai vu que ça y est, c'était bon, j'étais à ma place. Voilà. Tu vois, il m'a fallu du temps, en fait. Il fallait le déclic, quoi. Finalement, tu peux pas le forcer. Je pense que tout ce qui est artistique, de toute façon, tu peux pas forcer. C'est pas le peintre, s'il se met devant une toile et qu'il a pas l'inspiration, c'est même pas la peine. Il peut rester des heures et des heures et des heures. Et un jour, hop, il se lève le matin, il dit tiens, j'ai un truc, et hop, il fait un tableau magnifique. Et je pense que pour les musiciens, c'est un peu la même chose. Hein. Je pense qu'on, surtout toi, je crois que tu aimes aussi tous les arts et la peinture et les dessins aussi. Donc tout ce qui est graphisme, ça te parle aussi. C'est pas intégrant, toi. Donc voilà. Et donc ça m'a permis de voir à quel point ça me plaisait, et puis voilà, je suis parti dans un travail de fond où mes personnages, comme tu le sais, ont évolué, puisqu'en fait ils peuvent maintenant passer de morceau en morceau pour certains. Donc en fait c'est carrément des chapitres. Alors on pourrait dire c'est bizarre ou que c'est au moins original, mais je sais pas si t'as fait gaffe, mais Orpheum Black commence à le faire, par exemple. Voilà. Donc ce travail. Orpheum Black, tu les suis aussi, donc ah oui, c'est des gens qu'on connaît, qui sont déjà venus ici, et franchement, le boulot qu'ils font, c'est un truc de dingue, hein. C'est super bien. Ils sont chacun à leur place, et ça permet d'avancer et de faire un cycle. Voilà. Et eux aussi, hein, ils avaient mis un petit peu la musique en stand-by pendant un certain temps avant de relancer ce projet. Hein. Ils avaient fait des petites choses à droite à gauche, mais là, Orpheum Black, ça y est, c'est parti. Et puis ils nous font des. Et tu as vu les vidéos, la qualité des vidéos, la qualité de. Là, il y a quelque chose. Il y a un tout. Hein, moi, je dirais, c'est carrément du niveau pro, quoi. C'est du pro, quoi. C'est bien, en tout cas. On les salue. Voilà. Donc, tu nous as parlé déjà des Garens, d'Orpheum Black. On voit que tu suis un petit peu l'actualité des groupes de Moi, j'ai jamais lâché, hein. Tu le sais, très bien. Donc, ce projet, aujourd'hui, il se veut sous un cycle complet, puisque je t'avais dit, donc c'est par piste. Et donc, un album représente une piste. Avec des couleurs. Avec des couleurs, un code couleur. Ouais. Donc, une couleur évoque une émotion. Et dès que le code se met en place, ça veut dire qu'on va être habité, on va partir se dépayser. Voilà, si c'est le vert, c'est tout ce qui est world fusion, enfin world nature. Si c'est le bleu, ça va être tout ce qui va être musique intellect. Et en l'occurrence, comment dire, je mets une patte même. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, d'un cycle à un autre, s'il y a un deuxième cycle, ça sera pareil, ça sera les mêmes couleurs, mais je vais leur donner une précision, tu vois, je vais vraiment être précis sur ce que je vais faire. Et donc là, par exemple, puisque je voulais de l'intellect, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis parti sur le SF. D'accord. Donc le deuxième album est électro, musique futuriste. D'accord. Voilà. Donc électro dance électro parce qu'il y a de, c'est fait avec des ordinateurs. Alors donc il y a un peu de tout ça. Les deux. Il y a les deux. Un peu les deux. D'accord. Et on va sans doute juste faire un petit extrait tout à l'heure. Le troisième album c'est le monde du cabaret et le monde de la nuit. Donc le côté un peu révélation puis à la fois on montre notre identité. On a besoin d'exploser puisque c'est le volcan. D'accord. Et le troisième, forcément, le noir, c'est tout ce qui est en rapport avec le chaos. Et j'ai voulu donc lui donner un côté jeu d'échecs en mêlant les grands courants littéraires et les péplums. Voilà, je voulais un truc comme ça. Donc voilà, c'est histoire de dire qu'à chaque fois, ça peut vraiment... Enfin, il faut que ce soit puisé dans la couleur, mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, t'es devant ta page blanche et cet album, qu'est-ce qu'il va représenter vu qu'il va être vert? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Donc, du coup, voilà, en fait, donc ça, c'est un cycle complet. Ça veut dire que si je m'attaque à l'un, faut que je m'attaque aux trois autres. D'accord. Albums. On voit que t'as quand même beaucoup d'inspiration par rapport au. Ah, ben ça, c'est pas. Justement, quand on voit ça, tu nous parles de péplum, tu nous parles de science-fiction, tu nous c'est parles d'intellect. On voit que tu es inspiré par beaucoup de choses, hein, de la vie, hein, des choses qui t'entourent. Et justement, peut-être là, avec le confinement, est-ce que tu as suivi des choses différemment? Oui. Ou t'as été plus derrière les écrans, peut-être, découvrir plus de choses? Bah, en fait, je me suis laissé envahir par la magie parce que voilà, moi je t'avoue, hein, y a pas de recette miracle, une composition, bim, je suis devant ma chérie ou voilà, et puis ça sort direct et puis je fais tiens, ce morceau il est pour toi. Voilà, mais en fait tu vois, c'est ça, moi ce que je veux c'est les choses vraies, mais c'est pas créé pour créer en fait, voilà. Donc bon bah je sais pas quoi te dire, hein. Voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, Il y a beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses déjà. Hein. Voilà. Ah, c'est donc voilà, on a présenté un petit peu ton nouveau projet. Donc tu vas être la plupart du temps tout seul. Hein. C'est toi qui vas gérer vraiment le projet à toi tout seul. De temps en temps, il y aura peut-être des interventions d'autres musiciens. C'est ça. Bon, ça c'est peut-être pour les lives aussi, je pense. On est d'accord. Ou peut-être pour des enregistrements où tu auras quelques invités aussi, peut-être. Je sais pas. J'imagine. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Donc voilà. C'est peut-être un appel qu'on peut lancer aussi s'il y a d'autres musiciens qui ont envie de travailler un petit peu avec toi et puis amener un petit peu leurs influences aussi. C'est un peu le cas puisque donc voilà, donc je voulais en fait parler des rencontres que j'ai fait, et c'est ces rencontres là qui font qu'aujourd'hui Avoriaz existe, que ce soit au passé, au présent. Donc là j'ai décidé de me rapprocher d'un studio d'enregistrement, enfin de deux, mais en l'occurrence il y a la proximité et puis il y a le feeling. Donc c'est avec le studio At Studio. D'accord. Donc Dominique Dussault. Ah oui, je vois encore At Studio. Je me dis oui, je connais, mais voilà. Dominique Dussault, oui, qu'on a déjà reçu ici à plusieurs reprises. Hein, voilà. Voilà. Qui était venu avec plusieurs projets. Ah bah oui. Et puis maintenant, je sais que moi j'ai suivi un petit peu tout le montage. Il a monté tout son studio, il c'est a tout fait lui-même. Et en plus, c'est quelqu'un qui est habile, on voit. Quelqu'un qui bricole très bien. Un super studio avec le top de la technologie. Donc je pense qu'avec lui, ça va aller super bien. En plus, le connaissant, c'est quelqu'un qui aime les choses bien faites. Donc bah voilà, vous êtes voilà, bien trouvés. Voilà. Ouais, surtout en fait. Moi, ce que je voulais, c'était que on puisse se parler franchement, puisque c'est pas les studios qui manquent, mais je voulais qu'on puisse se regarder dans les yeux et de dire voilà, est-ce que c'est ce genre de projet que t'as envie de défendre ? Parce que moi, c'est bon, je peux trouver un autre studio, mais voilà, moi, je voulais vraiment quelqu'un qui soit de bons conseils, mais parce qu'il a ça dans les tripes et qu'il a ce regard-là de la musique, tu vois ? Et c'est ce regard un petit peu, j'allais dire, bon, il le dit avec ses mots, rock'n'roll. Mais voilà, avec Shaman par exemple, tu vois. Shaman, oui, il était donc, venu aussi la première fois avec Joker. Voilà. Joker, tout à Joker fait. Joker. Et donc, du coup, voilà, c'est ce genre de musique qu'il apprécie. Donc voilà, pour moi, c'était très important qu'il puisse respirer ça. Voilà. Mais quelque part, en même temps, connaissant sa musique, connaissant son inspiration, je trouve que, effectivement, avec tout ce que tu nous racontes, je pense que c'est la bonne personne, quoi, en tout cas. Écoute, on verra. Parce on verra. On verra le résultat. On en parlera dates, dans quelques temps. On a pris des dates pour juillet. Là. Donc du coup, voilà. Et puis, si on veut parler quand même du passé, parce que moi, il y a quand même des rencontres marquantes dont j'ai envie de parler ce soir. Toi, c'est pas tant à Voriaz. Moi, j'ai envie aussi de un peu comme toi, de parler de la cette magie qui nous entoure et ce partage, voilà, je t'apprends rien. Ouais, tu connais le mot partage dans l'émission Mavrika, je crois qu'on l'a cité déjà je sais pas combien de fois, voilà. et c'est vrai que c'est dans cet esprit là qu'on veut continuer, même si des fois il y a des gens qui jouent le jeu pendant un certain temps, qui au bout d'un moment ne le jouent plus, et on s'est dit bon, c'est pas grave, on va continuer ce truc là et puis voilà, recevoir des gens, continuer cette émission Radio Arc-en-Ciel. Voilà, c'est elle nous permet de faire cette émission depuis 11 ans quand même déjà, et chapeau, hein. Donc 465 émissions ouais. Avec celle-ci, et bah voilà, on va continuer l'aventure, on va s'entourer de nouvelles personnes et on va continuer. Bon, actuellement l'association, comme on en a parlé tout à l'heure, elle est un petit peu en stand-by, on peut pas faire nos concerts comme on le faisait jusqu'à présent, parce que les conditions ne nous le permettent pas vraiment. Ce serait vraiment dommage de faire des concerts où on peut pas avoir beaucoup de monde, où on peut pas s'approcher les uns des autres, qu'on est obligé de garder nos masques alors que qu'il fait chaud et tout ça, c'est pas évident, c'est pas facile à gérer. Okay. Donc bon, pour l'instant on est un peu en stand-by, mais on va se réunir dans quelques temps avec les autres membres de l'association pour essayer de voir comment on va sortir justement de cette année qui était vraiment pas terrible, l'année 2020-21. Bon, j'espère que maintenant ça va un peu décoller et puis qu'on pourra à nouveau recommencer nos délires, quoi, parce qu'on aime le délire. c'est bête, hein, mais tu parlais d'émotion et c'est de l'émotion, voilà. Donc petit tour de voilà, petit tour sur en fait les gens qui ont marqué un peu ma vie, parce que j'avais envie d'en parler. Donc les Garens, hein, c'est vrai que voilà, ouais. J'ai beaucoup apprécié leur univers. Pourquoi j'en parle? Parce que voilà, moi je trouve que tu vois, c'est toutes ces choses là qui font que c'est comme en fait un passage de flambeau, tu vois. C'est, les gens, tu les rencontres et ils te marquent, tu vois, et ça agit sur toi. Ouais. Voilà. Ça, j'ai remarqué ça. Il y a des personnes que tu finalement, on dirait qu'on est étanche, ils te marquent pas forcément, et d'autres, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Ça te prend dans les tripes. Et ça te prend dans les tripes parce que c'était le bon moment, c'était l'émotion que tu attendais. Et moi, les Karens, franchement, je les ai suivis pendant toute leur carrière, quoi. À partir du moment où je les ai connus, jusqu'à la fin. Et même à un moment, il était question qu'ils reviennent. On s'était dit, ouais, ça serait bien qu'ils reviennent, tout ça. Mais bon, apparemment, ça va pas se faire. Hein, c'est comme ça. Ils ont sorti un dernier album et qu'on a diffusé ici dans les émissions précédentes. Et on a du mal à se dire c'est fini, quoi, mais les enregistrements, les moments qu'on a passés ensemble, bah ça on les gardera pour l'éternité, quoi. C'est formidable. Et donc voilà, je voulais ce soir en fait mettre si possible en fait trois morceaux de trois artistes différents. Oui. Deux qui font donc partie des rencontres et une qui fait partie d'une collaboration. Donc en fait, moi si tu veux, j'ai beaucoup été emprunt par rapport à Damien Gontier. Oui. Que tu connais peut-être. Oui, voilà, parce qu'on devait se voir. On devait tous faire une émission et ouais. J'ai dû annuler je sais pas combien d'émissions. Donc il y a plein de gens qui doivent se dire, tiens, bon, il reprend, est-ce qu'on va nous inviter à nouveau? Vous inquiétez pas, on va essayer de remettre tout ça en place. C'est pas évident, c'est quand même des conditions déjà, un peu particulières. Je voulais te remercier. Puisque, voilà. Parce que là, tu le vois, les conditions, c'est un peu particulière aussi. Hein. On est chacun à côté de la vitre, il y a quand même des distances à respecter. C'est normal, c'est un studio et il faut respecter les choses. Et puis la durée aussi est un peu plus courte, mais il faut aller de l'avant, il faut continuer quand même, quoi. Donc Damien Gontier, voilà. Donc voilà. Je voudrais qu'on invitera, il n'y a pas de souci, hein, ça se fera dans le futur, quoi. Il n'y a pas de problème. Écoute, voilà. Donc voilà, s'il y a moyen de passer un petit morceau de ce monsieur, et puis donc Ternaïde qui officie encore, j'espère, du moins. Ça fait quelques mois que j'ai pas de news, mais voilà, ce mec-là, bon, c'est un duo. Je sais pas si tu connais Ternaïde. Oui, on avait des contacts qui devaient aussi venir dans les studios, jusqu'au moment où on a tout annulé, comme je te disais. Voilà, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en avait énormément. Il faut savoir que l'émission Mavrika, souvent, c'est jusqu'à 6 mois à l'avance qu'on décide. Donc là, on repart de zéro. Hein. Là, c'est tu es le premier et j'en ai un deuxième qui arrive à la fin du mois et on démarre tout doucement. Et puis pour l'instant, je peux pas recevoir trop de personnes non plus. Donc on va, c'est pour ça que tu es tout seul et puis moi je suis tout seul aussi de mon côté. Donc voilà, ça s'y prêtait, quoi. Donc voilà, et puis un morceau de Ternaïde. Et puis donc après, il faut savoir que ce que je fais aussi, et ça c'est important d'en parler maintenant, c'est que j'ai voulu composer pour les autres aussi. D'accord. Voilà. Mmh. Donc c'est un morceau que j'aimerais peut-être te faire ce soir au piano. Donc pour une personne qui a une voix un peu androgyne sur l'île, et donc j'ai créé un morceau qui s'appelle Avenue déserte. Et ben là encore, toi, en mode Avarias, quoi, si tu veux. Il y a eu le scénario, et enfin voilà, c'était comme d'habitude, quoi. Sinon, ouais, c'est pas du Mika, quoi, tu vois. Bon. Bah oui, toi, il y a toujours, voilà. Il y a l'image. C'est obligatoire. Ouais. C'est pas que de la musique, c'est tout un univers. Ah, c'est immersive. Mmh. Voilà, c'est l'art immersif dans tous les arts possibles. Et donc, une rencontre complètement inattendue, voilà, qui est donc ma compagne. Et donc, il s'appelle Aurel. D'accord. Et qui a encore joué à la Paillotte il n'y a pas longtemps, dont Gérard Dussoub est tombé vraiment sous le charme par rapport à ce talent, cette voix qu'elle a, qui lui appartient, et c'est précieux, quoi. Ce qu'elle a dans la voix. Elle nous écoute ce soir. Ouais, je pense. Je ouais. pense. Ouais, ben ouais. On lui fait un petit coucou comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et donc voilà. Et je voudrais proposer donc un de ces morceaux qui est. On va se caler voilà, tout ça. On va voir de... ça. Alors au début de l'émission, j'ai aussi oublié de présenter le premier morceau qu'on a découvert. Hein, donc en début d'émission. Alors ça s'appelait Rock'n'Roll Party. Alors c'était un morceau qu'on a déjà diffusé dans l'émission, mais la qualité n'était pas au top. Hein, c'était un petit démo. Et là, ils m'ont envoyé la version définitive qu'on a pu écouter en début d'émission, juste avant Jekyll Wood. Voilà. D'accord. Tu connais ces groupes-là, non? Custom, Jekyll Wood? Non. Non, bah, tu vois, il y a tellement de groupes à diffuser dans l'émission Morica, on a pas le temps, Il est dans le coin? Custom? Oui. Non, Jekyll Wood? Oui. Aussi, ouais, dans la région. Je te dirais, moi, la région, ça va assez loin. Hein. C'est, okay. Ça peut être un peu les départements. À côté, région, hein. Quoi. La allez, région. Et voilà. Puis, on a reçu aussi énormément de groupes de Paris. Hein. Donc, faut savoir que Paris, c'est quand même la banlieue d'Orléans. Ok. Non, c'est pas l'inverse. Ah bon. Et... Voilà. Non, c'était. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens qui veulent venir dans l'émission, de toute façon, ils peuvent venir. Si les groupes américains veulent venir, il n'y a pas de souci. D'accord. Le problème, c'est surtout la distance. Hein. Mais sinon, on accueille tous ceux qui veulent venir ici. Et c'est vrai que la majorité... Déjà, j'ai fait le voyage d'Avoriaz, hein, exprès. Hein, D'Avoriaz, oui, je sais bien. Tu viens de la montagne. Voilà. Donc, comment tu trouves Orléans tout plat? Ah bah écoute, je sais pas. Il a plu aujourd'hui, donc je me sens pas trop dépaysé, ça va. Bref, alors, donc du coup... ce qu'on va faire, moi, dis-moi. On va envoyer un morceau. Pendant ce temps-là, on va préparer les autres, et puis après, on va les commenter au fur et à mesure qu'on. Eh ben, écoute, soit Ternaïde ou Aurel. D'accord. Alors là, pour l'instant, je vais mettre un morceau que j'ai déjà calé. Ok. Ouais, parce que on n'a pas calé les autres, du coup, il faut qu'on les cale. Eh donc, on va envoyer un morceau que je vais présenter tout de suite. Hein. C'est My Taylor is Beach et Nothing Here is Real. Bon, mon anglais, bon, ça te fait rire. Ah, non, c'est bon. Nothing here is real. Donc rien de ce qui est ici n'est réel. Ok. Voilà, c'est le titre du morceau. On va l'écouter et puis nous, on va préparer justement tes morceaux parce qu'on a beaucoup parlé, mais on va envoyer aussi un petit peu de musique. Hein, c'est aussi une émission musicale. Voilà, donc on écoute tout de suite My Taylor is Beach. Everybody plutôt pas mal, hein. C'est un morceau qu'on découvre, c'est la première fois qu'on le diffuse dans l'émission Maverica. Et le groupe aussi, on le connaissait pas jusqu'à présent, My Taylor is Beach avec Nothing Else Here is Real. Voilà. Rigole pas, Michael. Michael du groupe Avoriaz, donc du groupe Avoriaz, du projet, on va dire, projet Avoriaz. Du concept. Du concept. On voilà. va même plus loin, carrément, de l'univers Avoriaz. Alors là, tu es venu nous parler de ta musique, tu reviens donc à la musique, parce que tu es déjà venu deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein. Ça fait très longtemps. Ouais. Donc là, maintenant, Avoriaz, ça repart, avec les codes couleurs, avec les différentes émotions, avec les différentes, comment dire, influence. Et tu as décidé aussi de parler d'autres personnes. Alors, on va venir, on va regarder, hop, parce que je suis en train de regarder en même temps, jongler avec plusieurs sources. Oui. Là, on passe d'un ordinateur à un autre. Et dans celui-là, on avait donc calé plusieurs morceaux. Le premier morceau, ben, on va le présenter, c'est Aurel. C'est ça. Donc, tu nous en as parlé, c'est ta compagne. C'est ça. Ok, Aurel, O-R-E-L. Voilà, tout simplement. Tout simplement, parce que ça aurait pu être AU, etc. Oui, oui. Donc, les gens en cherchent comme ça, Aurel. Voilà, oui, comme voilà. ça se prononce. C'est vraiment la version la plus simple. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle... Ose-moi. Ose-moi. Ouais, c'est sensuel. Allons-y, Ose-moi. Je veux imprimer tes prunelles et me graver sur ta rétine. Que mes couleurs toujours nouvelles ne tournent jamais à la routine. Je me ferai bruissement murmure, fracas tonnerre et tempête, pour qu'au-delà de ton armure, ton oreille captive me guette. Collée peau contre peau avec ton corps, je me confonds. N'aspirons jamais au repos, découvre-moi jusqu'au tréfonds. Envahis-moi de tous tes sens. Aucun d'entre eux n'est interdit. Donnons à notre histoire un sens. Vivons. Amour inédit. Ose-moi. ose-moi, ose-moi, ose-moi, ose-moi, ose-moi tout entière. Je suis femme et j'en suis fière. Voilà encore une découverte dans l'émission Mavrika. Moi, ce que j'aime bien justement, c'est quand on peut découvrir les choses au même temps que les auditeurs. Alors, Aurel, ose-moi, le morceau magnifique. Ouais. Ouais. Elle a vraiment, elle a tellement de tu vois, ses envolées, ouais, la manière d'interpréter. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi le traitement du son. Là, il y a quelque chose qui est bien enregistré, hein, dans ce morceau-là. J'aime bien. Et voilà, au niveau technique et aussi au niveau interprétation, j'ai trouvé magnifique, en tout cas. Bravo. Voilà. Bravo, Aurel, si elle nous écoute. Donc, bah, très bien. Je partage en même temps, tu vois. Il y a pas que toi avec tes écrans, tac tac. Moi, c'est genre des films. Ouais, tout est partagé. Donc, s'il y a des morceaux que vous aimez, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Alors là, j'ai pas trop le temps de regarder parce qu'on est ensemble, on est en train de discuter, on fait du direct live. Je regarderai après les messages parce qu'il y en a eu énormément. Déjà parce que c'était l'anniversaire de l'émission Mavrika, et en plus parce que il y a plein de gens qui m'envoient des petits messages. Alors j'ai vu tout à l'heure Christophe qui nous envoyait un petit message. Mmh. Christophe Zanacker, tu connais peut-être. Mmh. Et puis aussi, il y a aussi quelqu'un que j'ai pas encore remercié depuis que j'ai repris l'émission. Hein, c'est la troisième fois. C'est notre ami Florent qui enregistre toutes les émissions, qui fait le podcast. Donc après le podcast, il y aura le lien qui sera partagé par notre ami Florent. Et puis on lui fait des gros bisous. Et puis ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On aimerait bien le voir à nouveau. Voilà. En tout cas, on est content de savoir qu'il est de l'autre côté du poste. Voilà. On continue en musique alors. Eh bien, on y va. Donc, Ternaïde. Ternaïde, avec un morceau qui s'appelle Extrait, tous, je les aime. Alors, c'est tous les je t'aime. Tous les je t'aime. Voilà. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Et quand on fait plusieurs choses en même temps, qu'est-ce que tu veux? Donc, tous les je t'aime. C'est un extrait, hein. C'est pas, pourquoi c'est un morceau qui est plus long? Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. D'accord. On l'envoie. Tous les je t'aime tendre et rempli de promesses. Celui qui enveloppe et celui qui caresse. Celui que l'on fredonne, qui trotte dans la tête. Qui peut si facilement nous rendre complètement bêtes. Celui qui devient une berceuse amoureuse. Quand on a dépassé l'affection silencieuse. Glissé à la dérobée, on jette à la volée. Comme des centaines de pétales que l'on ferait virevolter. Qui veille et celui qui protège, il y a celui qui rassure et celui qui apaise, qui vient réconforter ou calmer un chagrin, et puis celui qui vient réclamer un câlin. Le je t'aime d'amour tendre glissé sur l'oreiller, ou celui du réveil. Ah bah disons, c'était un extrait, donc forcément, et c'était très court. Mais en tout cas, on a découvert. Bah moi j'ai trouvé ça super bien et en plus il y a plein d'émotions encore une fois, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein, quand même comme émotion, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc Ternaïde avec tous les je t'aime. Voilà, cette fois-ci. Alors c'est vrai que moi j'ai surtout rencontré je l'ai rencontré lui avant elle et donc du coup c'est vrai que lui il est plus, tu sais, musique des îles, soul, tu vois. Ouais. Et le deuxième lien que tu as, en fait, c'est plutôt ça. Et c'est vraiment, il était venu ici, en fait. Il avait cette place-là. Et c'était l'émission de rap Planète Faya. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, effectivement, pendant un petit moment, il y avait cette émission super. On rappelle des souvenirs. Ouais. Bah, une émission vivante. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais faire un petit lien comme ça. Vous pourrez aller le voir. J'ai pas pu le partager, mais je le partagerai très prochainement. C'est un petit coup de gueule de David ou qui dénonce les radios aujourd'hui qui n'ont pas d'âme. Et justement, Radio Arc-en-Ciel, c'est encore une émission qu'on fait. On fait des Radio Arc-en-Ciel. On fait encore des émissions à l'ancienne avec des gens qui gère tout, quoi. On est à la fois DJ, on fait les recherches, on a nos invités. Je valide. Et donc, on fait ça avec notre cœur. C'est pas parfait. C'est pas les trucs montés par des ordinateurs. On est là, derrière les platines. On fait des petites erreurs, mais il y a le côté humain qui est là et qui fait que c'est... Je pense que personne et... ne... et donc, justement, aujourd'hui, ça tout devient un petit peu synthétique, un petit peu artificiel, et il faut rester un petit peu comme ça, et tant qu'il y aura des émissions comme nous, eh ben on salue, on n'est pas les seuls, hein. Il y en a encore beaucoup qui le font à l'ancienne, et donc c'est le petit coup de gueule de David Pourtaud, hein, le guitariste du groupe La Jarrie, que tu connais sûrement aussi, un des grands groupes de la région, et qui a postez ça sur son Facebook et je vous invite à aller le lire en attendant que je le partage, hein, parce que pour l'instant je n'ai pas pu le faire. Voilà. Il parle de pas mal de choses comme ça en disant que voilà, il faut pas que les radios comme nous meurent. C'est important. Je suis sûr que tu es d'accord. Carrément. Ouais. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est ça trompe personne en fait. C'est-à-dire l'artiste qui vient chez toi, moi je reviens, c'est pas pour rien, c'est parce que voilà cette chaleur. Cette ambiance, c'est toi qui y contribues, hein, t'es le maestro, ok. Ouais. Mais les auditeurs aussi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ah bah les auditeurs, s'il n'y avait pas d'auditeurs, je pense que j'arrêterais de faire cette émission. Mais ils sentent ça, tu vois. Moi, tu sais, je fais cette émission là, je me prends pas la tête. Même s'il n'y a que 10 auditeurs, je le ferai pour ces 10 là. Voilà. Okay. Et c'est pour ça. Et finalement, moi, dans ma tête, je pense, mais quand je fais le bilan, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent, quand même. Radio Arc-en-Ciel, c'est pas une petite radio, c'est quand même une grande radio d'Orléans, qui émet sur la FM, sur Internet et tout ça. Donc, et les gens qui peuvent pas l'écouter, grâce à Florent, grâce à plein de gens comme ça qui nous entourent, eh ben, on peut réécouter ces émissions. Tout est enregistré, tout est rediffusé. Et si on n'a pas l'occasion de l'écouter en direct live, on peut l'écouter après. Il n'y a pas de souci. La classe. On va parler d'un troisième morceau. Voilà, donc Damien qui. Alors Damien devait venir avec toi dans l'émission quand on a dû tout annuler. Voilà, tout simplement, on nous a dit vous restez à la maison, vous sortez plus, vous mettez des masques et ceci cela. Bon, bah voilà, maintenant on est habitué. Hein. On essaie de voir le bout du tunnel. Pour l'instant, tu es là, toi, et tu vas nous parler de Damien, qui viendra prochainement, bien entendu aussi. Alors Damien, je le connais déjà, j'ai déjà vu, j'ai déjà discuté avec lui. Il est jamais venu dans l'émission, mais ça ne saurait tarder, quoi. Ça marche. Donc là, il est aussi dans sa période d'enregistrement studio, parce que bon, ça n'a pas que des mauvais côtés, hein, d'être confiné. Donc il voulait au moins que je dise que le morceau qu'on va écouter, les paroles sont de Frédéric Dour. Voilà, comme ça c'est dit. Mais Damien c'est un univers variété française, ouais. Voilà, ça est au moins. Il a une voix bien particulière. Ah bah carrément, je te laisse définir si tu pour toi c'est un timbre spécial. Ouais, moi je trouve que si tu regardes bien aujourd'hui des chanteurs qui ont une des voix comme ça, il y en a pas énormément. Et donc c'est vrai que tu m'as dit variété parce qu'on classe ça dans la variété, mais je sais pas où on pourrait classer ça autrement. C'est de la chanson française. Voilà. Et il a une voix très chantante. Voilà, c'est il chante vraiment parce qu'aujourd'hui on a tendance à murmurer, on a tendance à chanter un petit peu, ouais, tu sais, avec le. Mais il y a encore des chanteurs qui chantent avec des vraies voix. Tu vois, ça me rappelle, ça me vient Daniel Balavoine qui avait des vraies voix, des gens comme ça, quoi. Et donc. Bon, écoute. Je pense qu'il sera ravi que je le compare avec Daniel, en tout cas. Allez, non, ça c'est fait, bim, allez. Mais Damien Gontier, donc, qui va nous interpréter un morceau qui s'appelle « Deux mois à nous deux ». C'est ça. Il y a encore de l'amour là-dedans. Ah, purée, n'arrête pas. C'est parti. Bon, ça devrait partir. Il n'y a pas le son. Attends, ce qu'on va faire, on va recommencer. Il y a peut-être un petit truc que j'ai oublié. Eh ben non, il est bien. Bon, ben. Ah, voilà. On va le remettre dès le départ. Effectivement, on ouvre trois pages. Oui. Et il y en a une où il n'y a pas le son. Non, on met rien, on pose et ça se met en pause tout seul. C'est parti. Allez, go. J'essaie deux, trois mots pour que le temps nous rassemble. Je dessine un tableau, l'empire de notre futur, le royaume d'un duo. Je me suis fait en armure, toi tout en haut du château. J'encore plaît, nos envies d'avenir. Combien de 24 heures à ressasser des échos qui pourtant remplissent ma peur du livre, du poids des mots. Écoule dans mes sueurs, c'est le enfer un peu trop. Paradoxe de l'auteur qui ne retient plus ses de temps, des nuits à manquer de trop. Je veux tes jours où je sens ton cœur baigné d'idéaux, avant-goût de notre temps, de ce qu'on sait faire de beau. Ça s'écoute bien, hein, c'est super agréable, des très belles mélodies, une très belle voix. Il y avait un petit peu, quoi, tout à l'heure j'avais dit Daniel Balavoine, mais il y a pratiquement même Jean-Jacques Goldman. Excuse-moi, c'est nerveux. C'est nerveux. Bon. Je pense que je suis pas le seul à le dire, oui, je pense. Carrément. Même la manière de chanter en un peu en canon, tu sais, c'est qu'il fait la mélodie et puis derrière, deuxième voix. Ça, oui. Non, franchement, là c'est du top, quoi. C'est bien enregistré, c'est bien interprété. C'est quelqu'un qui chante bien. Et j'aime bien les accords, j'aime bien la mélodie, ça s'écoute tout seul, quoi. C'est un truc qu'on peut écouter en boucle. Damien Gontier, donc les paroles sont de lui et la musique est de Frédéric Dour. Voilà, on l'a dit. Voilà. Donc du coup, ça a été vraiment une personne marquante dans. Ben même il a joué dans Avoriaz, hein, autant dire les choses aussi. Mais vraiment, bon, ça a été une très belle rencontre. Donc voilà, donc tout ça pour dire que aujourd'hui ce projet, tu vois, encore ce matin, j'ai composé le dernier morceau de l'album, hein, qui s'appelle Moontra. Donc okay. il a été composé ce matin là. Ouais. C'est tout frais, c'est tout, tout chaud, machin. Tout chaud ou tout frais. Voilà. Et, bon et toi, même pour te dire, hein, je vais être cash. Hein. Ouais. C'est la première fois que je chiale devant une de mes compos en fait. C'est-à-dire qu'en gros j'en ai 37 là, tu vois. Ouais. Mais là, il y a un truc qui m'a pris quoi, tu vois. Donc en fait, bon, c'est un rapport avec la lune. Moi, je sais pas si c'est l'effet lunaire, mais en tout cas voilà, c'est la mélodie, elle fait que voilà. Donc du coup, je sais pas, après à voir, mais donc voilà, cet album, premier album, pour ça je suis venu en t-shirt vert. c'est l'espoir, c'est ça? Bah c'est la nature. Vert et c'est la nature. Voilà. Ah oui, dans les couleurs d'Avoriaz, bien entendu. Voilà. Donc c'est la nature et World. Et là donc c'est World tibétain. Voilà, j'ai bien retenu. Et toi qui me demandais tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est de la dance tout ça, et en fait ce sera house music en fait. House, ce morceau il sera house, et en fait donc c'est assez surprenant, mais voilà, je sais déjà moi dans quoi je m'embarque, c'est mieux, quand même mieux, et donc voilà, suite à ça donc ça va être beaucoup là d'enregistrement, mais voilà, maintenant moi j'ai décidé financièrement de d'y mettre de ma poche, mais je voulais aussi parler du crowdfunding. Mm-hmm. Donc voilà, là il va commencer au mois de septembre. D'accord. Donc on partagera le lien sur le Facebook, hein, et puis on en parlera aussi cool. Ici. Hein, y a pas de. Et puis et voilà, parce que bon, financièrement, c'est quand même un coût. Quand on sait qu'en moyenne, on est entre 400 et 500 euros pour un morceau. Mmh. Donc tu en as 12, donc tu vois un peu le délire, quoi, tu vois. Après voilà, c'est parce que bon, moi je sais ce que je veux à peu près, mais et donc voilà ce que ça va être Avoriaz dans les mois à venir. Ça va être beaucoup de scènes avec en fait de la musique envoyée en fond. Ça va être aussi, là je me suis acheté le pédalier que j'ai emmené ce soir, donc un looper. Mm-hmm. Et donc pour pouvoir faire aussi des petits moments comme ça, d'échange avec le des public. Boucles, voilà, et puis là-dessus tu peux broder. Voilà, donc c'est... après ça sera un mélange entre acoustique et orchestré. Mm-hmm. Donc et puis voilà, moi je au moins là je sais que je serai efficace et que je serai dépendant de rien, c'est je fonce voilà. Mm-hmm. Tête dans le guidon. Tu sais que dernièrement je crois que c'est aussi une tendance. Ouais, je sais pas, il y en a beaucoup que j'ai reçu ici hein, qui ont fait des groupes et tout ça, et finalement maintenant ils jouent dans leur coin. Mais pas forcément, c'est pas péjoratif du tout. Hein, c'est ils jouent, mais de manière à pas être dépendant des autres et pouvoir aller toujours de l'avant. Mmh. Parce que des fois, on peut être entraîné par les gens, mais aussi on peut être freiné. Et donc, le fait d'être tout seul, bah ça permet quand t'envie, quoi. Tu voilà. Vois. Au moins, t'assumes tout ce que tu fais de bien. Tu voilà, t'en es fier. Et puis le reste, bah ça demande du travail. Mais voilà, donc j'ai décidé ça. D'accord, bah donc nous on te suit. Bah écoute, c'est cool. Et donc je voulais te proposer peut-être de jouer un morceau en direct, et puis voir si on peut peut-être faire deux trois petits extraits, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des autres ce soir, parce que pour moi c'était important. Et puis bon, un petit forcément les gens qui peut-être découvrent ce soir Avoriaz ont peut-être envie d'écouter au moins un ou deux extraits. Après voilà, bon, c'est je n'ai pas encore eu cette chance d'enregistrer en studio, à part si tu te rappelles à l'époque on avait fait quelque chose d'assez ficelé en 2012. Mm-hmm. Eh, ça date. Ça date hein, mais et, 2012 voilà. Et donc c'était Envers et Contre Tout et puis Ginger, mais du coup voilà, ce soir serait pour faire découvrir un petit peu l'orientation compris mes sons. Et puis voilà, on va voir ça juste après. Donc voilà, à toi de voir si tu veux mettre un petit morceau. Tu veux qu'on mette un petit morceau, ouais. Le temps de caler un petit peu le piano, parce que tu as mis un énorme piano à queue qui fait au moins 3 tonnes, qu'on a eu du mal à monter dans l'escalier. Mais on y a réussi, à deux. Avec de la volonté, on y arrive. Ah, hein. Ouais. Non, mais nous, on voulait vraiment que tu joues en direct, live. Donc tu as amené. Et le pire, c'est le piano, il est grand, mais tu as amené la sono avec. C'est donc ça. Des enceintes de 5000 watts chacune, et avec un ampli, et qu'on a installé dans le studio juste devant les micros. Donc il y a un mur de son en fait. Tous les micros ils sont pris en fait. Non, on va faire du son propre, de la bonne qualité. Donc on va envoyer un petit morceau pour l'instant hein. J'ai plein de choses à vous faire découvrir, j'ai plein de choses que je vous ai fait découvrir la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps de repasser. Tiens, il y a un groupe que j'avais vu en concert il y a pas très longtemps, c'est les Sharpers. J'ai adoré. Et là, il y avait une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube avec un morceau que je ne connaissais pas et qui s'appelle Second End. Ouais, ça brille, j'arrive pas à lire sur l'écran. Second Hand Man, voilà. Et ce sont les Sharpers, donc si vous aimez le rock'n'roll. Et franchement, moi j'ai adoré les voir en concert et j'adore toujours les voir en live ou alors avec des enregistrements comme je vous propose d'écouter maintenant. Et puis, y a Mickaël qui se prépare avec son piano et juste après, on envoie la musique en direct live sur Radio Arc-en-Ciel. C'est parti. One. Je veux une tequila sunrise pour une rasade d'extase. Je regarde tes jambes qui se croisent. Je te bois mon poison. Je regarde tes jambes qui se tétanise, tes barésilles friandises. Je vais et je viens, je t'aiguise, tu vas et tu viens, tu m'électrises. Non, non, pas de pardon. Non, non, pas de pardon. Non, non, pas de pardon. Non, non, pas de pardon. Non, non, pas de pardon. Non, non, pas de pardon. Non, non, pas de pardon. Non, non. Un groupe que je vous ai fait découvrir depuis quelques semaines, de quelques mois même, je dirais, le groupe Angeville, voilà, qui devait venir dans l'émission Mavrika. Bon, c'est pas vraiment possible pour eux actuellement, parce qu'ils viennent de loin en plus. Mais en tout cas, ils nous envoient régulièrement des morceaux et c'est un pur bonheur à chaque fois. Et en plus, ils chantent en français, donc on aime ça. On est dans l'émission Mavrika. On a écouté juste avant le groupe Sharper avec Second Hand Man, et le morceau qu'on vient d'écouter d'Angeville, c'est Tequila Sunrise. On est dans l'émission Mavrika numéro 465, et mon invité c'est Mickaël avec le projet L'Univers Avoriaz, et il va y avoir un direct live dans quelques instants. Ça va Mickaël, tu es prêt? Ah ben, oui, au taquet. Ouais, bah oui, c'est, et là nous on est des malades, hein, on fait ça en direct live. Donc déjà, on va voir si le piano passe bien, hein, parce que ouais. On a vraiment un vrai piano ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Oh là, il est très loin. Il est avec quel micro, là? D'accord, oui, parce que là, il est très, très, très loin. Voilà, réessaye. Ah, on dirait que ça allait... Ah, bah oui. C'est beaucoup mieux. Okay. Très bien. Comme les micros sont très directionnels, il suffit qu'ils soient un petit peu sur le côté, et puis voilà, on n'a pas le son direct. Donc, il y a ton micro aussi. Oui. Essaie de voir un petit peu les deux si ensemble ça va. Mais moi je chante pas. Tu chantes pas? Moi je fais que du piano. Tu fais que de la musique. Ah, dans voilà. Ce morceau-là que tu fais que de la musique. Ben, il y a des paroles, mais en fait, je suis un peu moins timide. D'accord. Non, mais c'est toi qui décides. Hein. Tu as décidé de faire un instrumental. Donc, ouais. Voilà. Ça je le savais pas. Ah, c'est voilà, ça peut aussi avoir son charme. Ah oui, tout à fait. Mm. La musique, des fois, il n'y a pas besoin de plus. Enfin hein, voilà, il y a les textes, mais là, du coup, ce soir, non. C'est un petit peu trop. En fait, si tu veux, ce morceau, donc c'est la collaboration que j'ai voulu faire pour ce gars sur l'île. Là. D'accord. Et donc, cette voix que lui n'a, moi, c'est pas mon registre en fait. Ça monte vachement haut. Et moi, je suis baryton basse. D'accord. Voilà. Donc toi, je respecte ma tassiture vocale. Ah bah c'est voilà. C'est ce qu'il faut. Hein. Il y a des gens qui peuvent chanter certaines chansons et pas d'autres. Et inversement, ah ouais, voilà. Il y a, après, il faut vraiment avoir beaucoup d'octaves, et puis ça, il y a peu de gens qui ont des voix qui vont très bas jusqu'à très haut. Mais il y en a quand même quelques-uns. C'est ça. Donc, écoute, on peut y aller. Ben, je coupe mon micro, donc il sert à rien, et je te laisse donc interpréter le morceau. Donc ça s'appelle Avenue déserte. Thank you. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Mickaël, du groupe, du projet Avoriaz. Voilà, le groupe à lui tout seul. En tout cas, voilà. Interprétation au piano, en direct live dans nos studios. Formidable. C'est vraiment bien de voir. Je vois, il y a trop de boutons pour moi là-dedans. Ah, c'est une usine à gaz. Voilà, non mais franchement, franchement, un grand moment d'émotion en direct live comme ça. Alors ce morceau-là, comment était venu alors? Bah, en fait, c'était j'ai vu ce gars-là chanter sur sa page et je me suis dit, vraiment, t'as une voix, mec. Et dit t'en es où? Enfin, tu fais quoi? Et je fais mais je chante comme ça. Je fais vas-y, je sais pas, tu m'as scotché. Et donc j'ai fait écoute, laisse-moi allez, ça a mis 3 jours, j'ai pondu le scénario, les paroles et la musique, et j'ai dit voilà, maintenant tu te débrouilles. Démerde-toi avec D'accord. ça. C'est ton cadeau, et voilà. Mais c'est super bien fait. Hein. Franchement, moi je suis un petit peu épaté là. Tu nous interprètes ça comme ça, un morceau. C'est vraiment, c'est de la musique, c'est de la vraie musique quoi. C'est pas quelqu'un qui pianote dans un petit machin. C'est vraiment super bien. On imagine des violons encore derrière et tout ça. Hein. Ouais. Là il y a que le piano et déjà c'est formidable quoi. C'est magnifique. Très bien. Bah en tout cas, merci pour cette interprétation en direct live. Tu vas nous en faire une deuxième ou Oui, je pourrais. Il y a pas de problème. On a combien de temps? On a un petit quart d'heure. Ouais, on a un petit quart d'heure. Ouais, donc il va falloir faire vite aussi. Ouais. Tu nous en fais tout de suite. Allez, parce que tu me l'as demandé gentiment. Et si, tu me connais. Si ça dépendait que moi, de moi, on resterait jusqu'à minuit. Hein, bien, voilà. Donc là, en fait, ça va être aujourd'hui lendemain, donc c'est un peu jazzy. D'accord. Direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Avoriaz avec Mickaël au piano. Voilà, donc deux morceaux interprétés en direct live pour c'était le prix. C'était pas prévu pour le prix d'un voilà, mais il y a eu les rappels, donc ouais, moi je représentais un petit peu les gens qui écoutaient la radio, qui disaient tiens, il y a un super morceau, un deuxième, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose d'unique hein. voilà, donc ça va être enregistré, donc les gens qui ont pas pu suivre l'émission pourront suivre le podcast de notre ami Florent, voilà, qui nous a remercié tout à l'heure, et c'est nous qui le remercions. Franchement, il est super ce gars-là. Voilà, en attendant, tu nous avais aussi prévu deux morceaux. Ouais, bon, on va en passer qu'un du coup. Alors, on a encore un petit peu le temps, après c'est toi qui vois. Hein, mais... Enfin, comme j'ai fait pas mal de morceaux, donc ce sera le Stratosphere du coup. Ouais. Et parce que voilà, ça fait partie du deuxième album, histoire que les gens voient un petit peu comment je vois les choses. Donc là, ça, c'est un extrême, il commence bim. Enfin voilà, donc on l'a mis à un moment donné dans la séquence, donc voilà, ne soyons pas... Ouais, c'est-à-dire que le morceau qu'on va écouter n'est pas complet. Hein, voilà, c'est juste un extrait, et, c'est juste pour montrer un petit peu ce que c'est que de l'électro en mode avoriaz. D'accord, effectivement, je vois sur le site sur lequel il y a toutes ces musiques, hein, il y a justement estampillé électro. Voilà. Donc c'est parti pour la discothèque, hein, électro. Ouais. C'est parti avec Strap of Fear. Stratosphere, c'est ça. Off. Ouais, tu le dis beaucoup mieux que moi. One. Yeah. C'est parti. Voilà, c'était avec les moyens, puisque voilà, donc tu comprends l'intérêt de passer en studio. Voilà, pour moi, je fais ça avec mes moyens. Quoi. Au niveau du son, là, il y a des sons qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Hein, c'est vraiment du son électro. Hein, c'est vraiment. Voilà. C'est-à-dire, ça correspond pas à des instruments qui existent dans la nature. C'est des trucs vraiment artificiels. En fait, c'est fait avec mon guitare, donc une guitare synthé, en fait. Ah, voilà, d'accord. Ça sera mon avec des touches, hein, les guitares. Là. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Comme ça se faisait beaucoup dans les années 80, ouais. 90. Voilà, c'est mon gros dada. D'accord. Donc, c'est vrai que ça, c'est super bien pour la scène. Parce voilà. Que le côté visuel, un piano, les gens qui sont derrière. Ah, il y a un autre morceau qui part. Il y a un morceau qui part. Bon, on ne lui a rien demandé, mais bon, on va le mettre en fond sonore. Hein. C'est pas grave. Ça marche. Effectivement, donc avec ta guitare synthé, tu te mets avec les sunlight et tout ça. Yeah. écoute, il y a de tout. Donc voilà, les gens qui veulent aussi, on peut mettre le SoundCloud. Comme ça, ils voient un petit peu l'univers. Parce que je dis, quand il y a 37 compos. C'est qu'il y a vraiment des univers très très particuliers, quoi. Il y a vraiment de tout, quoi. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, je partagerai le lien donc du SoundCloud d'Avoriaz Team. C'est ça. Voilà. Il y avait un autre morceau. Tu veux qu'on le passe rapidement? Si tu veux. On a le temps. Donc on arrête celui-là et puis on. Bah, c'est du piano pur. C'est une piste noire. Donc là, c'est Chrysanthème. Chrysanthème, ouais. Mmh. Piste noire, autre chose à rajouter, non? Chrysanthème, scénario autour d'un chrysanthème. C'est parti. Et voilà, donc un morceau, c'est de la musique classique pure, ça. C'est franchement un super morceau, donc un morceau qui est plus grave. Et moi, j'imagine ça tout à fait dans un film. T'as jamais eu envie de composer pour un film, parce qu'on voit des images. Moi, je vois des images avec ça. Moi, c'est marrant. Hein. Je vais déjà faire les miens. Donc bon, à partir de maintenant, donc tu vas te lancer dans un truc de réalisateur. Alors de film. Voilà, je me suis rapproché de donc de 3 minutes prod. Ouais. Et 3 minutes prod, ouais. J'ai entendu parler. Et donc du coup, ça m'intéresse parce que c'est quelqu'un de passionné et j'ai envie de travailler avec lui. Il a été honnête avec moi. Il m'a dit voilà, moi je peux faire ça pour toi. Il y a besoin de pas mal de fonds verts, donc c'est pas forcément simple. Mais voilà. Dès que t'as goûté un storyboard d'Avorias, tu sais que c'est assez fantastique quand même. Donc voilà. Mmh. Mais ça me ferait vraiment plaisir de faire au moins un clip pour fin, allez, 2022. Ça va pas être facile de trouver la couleur justement pour ce clip, parce que toi, franchement, tes influences sont très larges. Ouais. Qu'est-ce que tu vas choisir pour le clip? De quoi? Pour Chrysanthème? Ça serait Chrysanthème que tu ferais? Non, dans non, le... moi, c'est en fait le clip que je veux faire. Non. C'est, pour le clip que tu veux faire. Reste tranquille. Reste tranquille, d'accord. Donc tu as déjà un morceau, tu as déjà choisi. Bah, on l'a déjà joué ici. Mais... D'accord, ouais. Ok, ouais. Donc, univers poltergeist, ça, le clown. Mmh. Donc voilà, c'est cette ambiance-là, très un peu hard rock. Ouais. Donc voilà. Alors on entend Stratosphère 2 en fond. Je vais laisser en fond sonore, parce que comme ça on discute en même temps, voilà. Et puis on entend comme c'est de la musique simplement, donc ça nous permet aussi d'écouter pendant qu'on parle. Très bien. On arrive bientôt à la fin. Oui. Ouais, il m'en reste une minute, donc ce qu'on va faire, on va rendre l'antenne. Avant, en tout cas, je voulais te remercier. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Tu reviendras de toute façon quand les conditions seront un peu meilleures. Mais en attendant, ça nous a permis quand même de faire une émission avec un invité dans des conditions qui sont pas forcément les meilleures, mais. Bon, je suis content de cette émission. On a géré. Ça a été très vite et puis on n'a rien vu passer, quoi, finalement. On arrive à la fin de l'émission, on se dit. Ouais. Donc il y a des phrases magiques qu'on dit à la fin de chaque émission. Et dernièrement, je les ai pas dit, comme j'étais tout seul, je me suis dit bon, mais on va les dire aujourd'hui, que la musique soit avec vous, que le rock and roll soit avec vous, mais que la musique en général, parce qu'aujourd'hui c'était beaucoup plus large. On va dire aussi une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà, la fin de l'émission Mavrica numéro 465 avec Michael comme invité qui nous a parlé de son projet Avorias, voilà, qu'on va continuer de suivre, hein, et il reviendra dans quelques temps nous en reparler. Voilà, c'est un fil rouge. Michael, tu avais fait une petite coupure pendant un certain temps, mais maintenant ça y est. Tu connais le chemin, on se recalera une date et puis tu viendras avec Damien, etc. En tout cas, cette émission se termine. On va être obligé de rendre l'antenne parce que nous, il faut qu'on range tout encore avant de rentrer et se reconfiner. Hein. Et avant ça, on va quand même se prendre une ou deux photos tous les deux ensemble, parce que je t'ai pris quelques photos tout à l'heure. C'est pas évident, hein, on est tout seul dans les studios, mais on gardera quelques souvenirs comme ça quand même. Voilà. Autre chose à rajouter, Mickaël? Merci à toi d'être là et de faire vivre ta passion. Et c'est avec des gens comme toi où ça fait charnière, tu sais. Parce que voilà, autour de toi, ça brasse, ça rayonne, tu vois. Ça a permis de faire des rencontres, tu vois. Ouais, moi je dis souvent, j'aime bien ce truc-là. Je suis un peu le trait d'union entre les artistes et les auditeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc moi, ce qui me plaît, j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. Et c'est pas moi, c'est les autres que j'ai envie de partager, parce que moi, finalement, j'ai pas grand-chose à proposer à part d'être le trait d'union, la transition. Voilà. Très voilà. Bien. Donc on va finir avec un morceau d'un artiste qu'on va recevoir dans pas longtemps, parce qu'il y a un clip qui se prépare, il y aura une danseuse, il va venir ici jouer aussi. Tu connais peut-être, c'est Yous, non? Ah ben voilà, un artiste que tu vas encore découvrir grâce à l'émission Mavrica. Yous est déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il a un univers bien particulier que j'aime beaucoup. Il vient un petit peu du rap, de la musique reggae aussi. Il adore le j'aime bien quand il l'interprète. Et il nous fait aussi des morceaux à la guitare. Il nous avait interprété un morceau, d'ailleurs qui a été enregistré dans l'émission Mavrica. Hein. C'était le 25 mai 2017. Le morceau s'appelle, c'est un morceau que j'adore, qui s'appelle Méditerranée. Et donc on écoute Yous et puis merci Mickaël encore une fois, et puis de toute façon on garde le contact et puis on se revoit très très vite. Ça marche. Merci. Allez, à toi. À la semaine prochaine, donc bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut Mickaël. Salut. La Méditerranée, méditer en Méditerranée. Une fois dans l'année, j'ai les pieds dans le sable, ballotté par les vagues. Le soleil sur mon visage est mon ami pour la journée. Je me laisse flâner, flâner, planer où tant de peuples y sont restés. Allez, allez, on va y aller. Allez, allez, on va y aller. Méditerranée, des vaisseaux puissants emmenés par le vent, des corps flottants, des corps ricanants, et le ciel azur qui n'a de cesse de me sourire me rend heureux sans même le dire. Elle est la mère de nombreux échoués, la madre de tous ces naufragés. Ce bleu azur vient nous inviter, ce bleu azur qui nous fait rêver. Allez, allez, on va y aller. Allez, allez, on va y aller. Allez, allez, on va y aller. Allez, en Méditerranée, j'ai son image gravée dans mon esprit. Et ce goût salé, salé, salé, je me noie dans ses songes, et ce depuis qu'elle m'a pris. Enlacée, elle m'a embrassé. Allez, allez, on va y aller. Regarde la Méditerranée, c'est ça la Méditerranée. Viens méditer, méditer. Condamné à une fois dans l'année, regarde la Méditerranée, c'est ça la Méditerranée. Méditerranée. Méditerranée. Est-ce toujours olhando